encore des centaines d'envois perdus. La colère en indigène, plusieurs familles se retrouvent à la rue. On se souhaite noir ou gueulé, j'ai choisi de combattre pour ma dignité. Ma nation l'a humilié, l'heure de la vengeance en vain. Les terres ne font pas crédit, c'est le retour au sous-emploi. La précarité les enrichit. Les syndicats ne bougent pas vraiment, contraignés par la bureaucratie. Le pouvoir du patron s'étend, plus on gratte, plus c'est pourri. Pour l'éliminer, c'est par la lutte que nous vaincrons. La bourgeoisie et tous ses valets, le rapport de force nous connaîtrons. Car on est ainsi bien pas peur. Es primavera y hay que sembrar. Rural power, poder rural, las alergias que nos dan. Verano y hay que cegar. Rural power, poder rural. Este calor nos va a matar. Rural power, poder rural. Llega el otoño y a vendimiar. Rural power, poder rural. Y otra vez vuelta a empezar. Rural power, poder rural. Rural power, poder rural. Rural power, poder rural. Rural power, poder rural. ¡Me cago en Dios! ¡Qué duro! What the fuck are you expecting? Why did she go away? I heard she quit the play. Why did she secret away, why did she go away? Why did she go away? I heard she quit to play, why did she go away?